contra el mal de amor me fui a rampar bless you rocker no sé cicatrizar dame gentil me juros a paguaza d'espoir et de regret desespero contra el mal de amor ne puoi me rampare exilio in te ne sei aprivoza dame gentì devo tutta ambrasa a man fidel se me can separe contra il mal d'amor ne puoi me rampare pre chevalier qui danger me prise dame gentil me fête jalouse contra il mal d'amor desespere pre chevalier qui danger me prise mort à la guerre je te prépare mort à la guerre ne puoi me rampare exilio in te ne sei aprivoza dame gentì devo tutta ambrasa a man fidel se me can separe contra il mal d'amor ne puoi me rampare pre chevalier qui danger me prise dame gentil me fête jalouse contre mal d'amour désespéré pre chevalier qui danger me prise mort à la guerre, je te prépare. Mort à la guerre, je te prépare.